L'explication de la pharmacopée de la République populaire démocratique de Corée a vu le jour. Le commentaire précise en détail des compositions et des teneurs des produits pharmaceutiques de plus de 880 espèces utilisées massivement en Corée et dans divers pays du monde, ainsi que des méthodes de fabrication et le dosage. Cela permet de hausser considérablement le taux de nationalisation des produits pharmaceutiques dans des fabriques pharmaceutiques et des établissements de traitement et prophylaxie de tout le pays, en réunissant plus suffisamment des conditions requises pour mettre au point plus rapidement de nouveaux médicaments d'une compétitivité internationale.